J'ai les prophètes, ils brossent les dents. Les prophètes, ils mangent du pain. Les prophètes, ils lavent les mains. Les prophètes, ils boivent du vin. Les prophètes, elle est pas contente. Les prophètes, là, pas l'argent. Les prophètes, là, pas dormir. Les prophètes, là, mal au ventre. C'est les prophètes qu'il est beau. C'est les prophètes que je l'aime. C'est les prophètes qu'il est gentil. C'est lui qui est pédophile et qui l'a lu petit zizi. Les prophètes, ils puent des pieds. Les prophètes, ils grattent ses plaies. Les prophètes, ils parlent aux bêtes. Les prophètes, ils font des dettes. Les prophètes, ils chantent faux. Les prophètes, ils marchent sur l'eau. Les prophètes, ils tombent des dents. Les prophètes, ils jurent en pleurant. Si les prophètes qu'il est beau. Si les prophètes que je l'aime. Si les prophètes qu'il est gentil. C'est lui qui est pédophile et qui a le petit zizi. Les prophètes, ils puent des pieds. Les prophètes, ils grattent ses plaies. Les prophètes, ils parlent aux bêtes. Les prophètes, ils font des dettes. Les prophètes, ils chantent faux. Les prophètes, ils marchent sur l'eau. Les prophètes, ils tombent des dents. Les prophètes, ils jurent en pleurant. Si les prophètes qu'il est beau. Si les prophètes que je l'aime. Si les prophètes qu'il est gentil. C'est lui qui est pédophile et qui l'a lu petit zizi.